نعم. طيب إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on commence maintenant, encore on est dans le troisième parmi les points, Nawaqid al-Islam, et on commence certaines explications maintenant au sujet de qu'est-ce qui est permis dans les interactions et dans les relations avec les kuffars et les mushrikin dans les affaires de la dunya, et qui ne rentre pas dans qu'est-ce qui a rapport avec al-muwala. Donc ça c'est important bien de le comprendre. Donc là c'est le cours 18 maintenant qu'on commence, et on va commencer par points. Le cheikh a mentionné plusieurs points à ce sujet-là, puis on va les expliquer un par un, inshallah. Si vous avez froid par la suite, vous pouvez fermer la fenêtre. Le cheikh il dit comme premier point: أولا أن نتعامل مع الكفار بالتجارة فنبيع ونشتري معهم. فيجوز لنا أولا أن نتعامل مع الكفار بالتجارة فنبيع ونشتري معهم. الشيخ يقول كيف parmi qu'est-ce qui est permis avec les kuffars et les mushrikin, c'est premièrement de faire des interactions et d'avoir des relations économiques avec les kuffars, de faire du commerce, de vendre et d'acheter. Ça c'est permis de faire ça avec les kuffars et les mushrikin, et ça n'implique pas du tout al-muwala. Que ce soit au niveau d'individus, parmi les individus musulmans qui vendent, on vend à un kafir ou à un mushrik, hein, ou bien au niveau international, un pays musulman qui vend ou qui achète des kuffars et des mushrikines, tant que c'est quelque chose de halal, on vend ce qui est halal, on achète ce qui est halal avec des kuffars, il n'y a pas de problème, que ce soit des juifs, que ce soit des chrétiens, que ce soit des bouddhistes, que ce soit des hindous, peu importe leur religion, on a le droit de vendre et d'acheter, de faire du commerce avec les kuffars et les mushrikines. ثانيا وأن نستفيد من خبراتهم ونستأجرهم للقيام بأعمال ليس عند المسلمين من يقوم بها، ولا نستأجرهم ونطلع ونطلعهم على أمورنا الخاصة كأن نتخذهم وزراء أو مستشارين، وإنما نستأجرهم لأعمال يقومون بها وهم بعيدون عن سر المسلمين كالمباني والمصانع. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر كافرا يدله على الطريق في سفر الهجرة، واستأجر عبد الله بن أريقت ليدله على الطريق لأنه كان هاديا وخريتا. فنستفيد من خبراتهم بشرط أن لا نمكنهم أو أن لا نمكنهم من أسرارنا ومن بطان أمورنا أو أمرنا. الشيخ يقول deuxièmement, on a le droit de profiter de leurs expériences et de leurs connaissances dans différents domaines, que ce soit par exemple la science et d'autres domaines d'ingénierie ou autres, hein, si on a besoin d'eux pour faire certains travaux pour les musulmans, que ce soit pour construire certaines choses, des ponts, ou construire des barrages, ou construire des trucs qu'on a besoin dans les pays musulmans, et qu'on sait qu'ils sont compétents et qu'ils savent faire leur travail, on a le droit de les, disons, d'acheter leurs services pour leur demander de venir construire ou de faire ces travaux-là dans nos pays, ça c'est permis. Et toutefois, c'est permis, mais à condition qu'on n'a pas le droit de leur donner des positions ou de les mettre dans des positions où ils vont être au courant des secrets des musulmans, comme par exemple de les prendre comme ministres ou conseillers. Donc on n'a pas le droit dans ces affaires-là. Toutefois, toutes les autres questions qui ont rapport avec l'ingénierie ou bien qui ont rapport avec la construction, des trucs comme ça, si on a besoin d'eux et qu'on n'a pas trouvé de musulmans qui sont capables de faire ce travail-là, alors on a le droit d'avoir recours à eux pour faire ces emplois-là dans les pays musulmans. Et le cheikh, il donne comme preuve de ça le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé un kafir, un mushrik, pour lui indiquer le chemin lorsqu'il a fait la hijra. Il a utilisé les services d'Abdullah ibn Uraiqit pour lui demander de l'amener jusqu'à Mecca, pour l'amener jusqu'à Al-Madinah pour faire la hijra. Donc ça montre que c'est quelque chose de permis. Et toutefois, le cheikh il dit que c'est permis de profiter de leur connaissance, de leur expérience. Toutefois, on ne doit pas leur donner la possibilité d'être au courant de ce qui a rapport avec nos secrets, puis de les mettre parmi les proches conseillers, nos proches conseillers. Troisième chose, ثالثاً ويجوز أن نعقد معهم معاهدات إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة وصالح المشركين في الحديبية. فإذا كان للمسلمين مصلحة أو أن المسلمين لا يستطيعون قتال الكفار عليكم السلام ورحمة الله فتجوز معاهدتهم ومهادنتهم ومصالحتهم لما في ذلك من مصالح المسلمين. الشيخ dit que c'est permis pour les musulmans de prendre des ententes et des pactes et de faire des ententes de paix avec les mushrikines et les kuffars s'il y a dans ça un bienfait pour les musulmans. D'accord? Donc s'il y a un bienfait pour les musulmans, les dirigeants dans les pays musulmans ont le droit de faire des pactes et des ententes et des trêves avec les kuffars et les mushrikines, yani s'il y a un bienfait pour les musulmans. Et la preuve de ça, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des ententes de paix et des traités avec les juifs de Médine. Okay? Il a fait des ententes et des traités avec les juifs de Médine. Et il a fait également des ententes de paix et des trêves et des traités avec les mushrikines lors de Al-Hudaybiyyah. Hein, Sulh Al-Hudaybiyyah. Donc il a fait une entente de paix avec les mushrikines à ce moment-là. Et le cheikh il dit, ça c'est s'il y a un bienfait là-dedans pour les musulmans et que les musulmans ne sont pas capables de combattre les kuffars parce qu'ils sont, par exemple, ils sont faibles, ils ne sont pas capables de faire le djihad contre eux. Dans ce cas-là, ils ont le droit de faire des ententes de paix avec eux et de faire des trêves avec eux et de faire des ententes avec eux. Bien entendu, si c'est pour le bien des musulmans. Et il n'y a pas de problème avec ça. Toutefois, il y a une différence entre le fait de faire ça, puis le fait de dire on va signer des déclarations ou des contrats avec les kuffars ou les mushrikines, comme certaines associations, qu'est-ce qu'ils font, comme j'ai mentionné hier, ils font des ententes, ils signent des déclarations avec les kuffars pour dire nous sommes d'accord avec vous sur qu'est-ce que vous dites qui a rapport avec le kuffar ou qui a rapport avec l'iman et des trucs comme ça, ça n'a pas le droit. Et même les pays musulmans, quand ils ont signé, par exemple, certains pays musulmans ont signé des ententes avec les Nations Unies, ils ont signé les ententes avec les Nations Unies, puis quand il y avait des clauses où il y avait des choses qui sont en contradiction avec la charia, ils ont mis des exceptions. Ils ont mis des exceptions pour dire, dans ces règles-là, nous, on va appliquer nos règles à nous, c'est-à-dire les règles de la charia. On ne va pas se soumettre à vos lois, par exemple. Comme par exemple, dans leurs règles, dans leurs lois à eux, ça dit que la femme et l'homme sont égaux, puis ils ont les mêmes droits dans tout, puis ils sont égaux dans tout. Tandis que dans la charia, il y a des choses que l'homme a le droit de faire, puis la femme n'a pas le droit de faire. Alors, dans ces règles-là, ils ont mis des clauses, Et ils ont expliqué que dans ces cas-là, par exemple, dans l'islam, la femme, quand elle se marie, elle a besoin d'un wali. Elle ne peut pas se marier toute seule. Hein, ça, c'est un exemple de différence entre l'homme et la femme dans les questions de mariage. De même que l'homme, il a le droit d'épouser 4 femmes. Ça, c'est une différence entre l'homme et la femme. Donc, il y a des cas où ils ont signé des ententes avec les kuffars, dans des déclarations ou des ententes avec les Nations Unies ou autres, mais ils ont quand même mis des exceptions et des clauses pour dire, dans ces choses-là, on est d'accord en général sur les règles qui sont en accord avec la charia et l'islam, mais s'il y a dans vos déclarations des trucs qui sont en contradiction avec nos lois et nos règles dans notre religion, donc dans ces cas-là, nous, on ne va pas se soumettre à ces règles-là et à ces principes-là. Donc dans ce cas-là, si c'est spécifié et clarifié de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Toutefois, si c'est de dire aux kuffars et aux mushrikines, on accepte toutes vos lois, on est d'accord avec vos principes et avec vos fondements et avec vos idéologies, ça, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que ça implique qu'on affirme des choses qui sont contraires à nos fondements et à notre religion. Et ça implique un rejet de la foi. Donc, il faut bien clarifier et bien spécifier les questions par rapport à ce sujet-là. Et puis, de toute façon, on va y revenir plus loin dans d'autres sujets de ce livre, Inch'Allah. Donc, ça c'est au sujet des ententes et des traités de paix. Et puis, les traités de paix, une fois que les dirigeants ont fait une entente de paix avec les pays des kuffars, eh bien, ça s'applique à chaque citoyen ou à chaque individu qui habite ce pays-là et qui fait partie des citoyens de ce pays-là, hein. Et donc, si, par exemple, il y a un dirigeant dans un pays musulman qui a une entente de paix avec un pays des koufars, eh bien, c'est pas permis à un des citoyens de ce pays musulman-là de transgresser ou de faire du tort ou de faire du mal aux koufars du pays avec lequel les musulmans ont une entente de paix. Hein. Et même par rapport aux koufars et aux mushrikines, les ulama, ils ont distingué entre les catégories de koufars et de mushrikines. Et ils ont expliqué qu'il y en a parmi eux qui font partie des mu'ahadoun, ceux qui ont une entente de paix avec les musulmans. Il y a les musta'manoun, ceux qui rentrent dans les pays musulmans et qui rentrent avec leur paix et leur sécurité. Hein, on leur a donné la permission. Il y a les musta'manoun, il y a al-zimma, ceux qui vivent dans les pays musulmans et qui ont accepté de respecter les règles de l'islam et qui donnent une jizya, qui donnent une taxe aux musulmans. Hein, il y a différentes catégories, il y a les messagers, il y a les ambassadeurs. Tous ces gens-là font partie des catégories de kuffar. C'est interdit pour les musulmans de leur faire un mal quelconque, ou de leur faire un mal dans leur bien ou dans leur personne. Et les musulmans, lorsqu'ils viennent dans les pays des kuffar et qu'ils signent un visa d'entrée, hein, et qu'ils donnent leur parole aux kuffar qu'ils vont respecter les règles et les lois et qu'ils ne vont pas transgresser les kuffars dans leurs biens et dans leurs personnes, ils doivent respecter cette parole. Ils n'ont pas le droit de transgresser contre eux. Et le prophète sallam a clairement expliqué ça, comme dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, que le musulman qui tue un mu'ahad, un kafir qui a une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Et s'il transgresse sa parole et sa promesse, sa parole, lorsqu'il a signé son visa d'entrée ou lorsqu'il est entré chez les mouchriquins, eh bien en réalité il trahit sa foi, il trahit sa religion, il trahit les musulmans, il trahit les dirigeants des musulmans également. Et en conclusion, qu'est-ce que ça va amener? Ça ramène du tort à l'islam et du tort aux musulmans, parce que les koufars, qu'est-ce qu'ils vont dire à la suite de ça? Les koufars vont dire, ces gens-là, c'est des traîtres, ils ne respectent jamais leur entente, ils ne respectent jamais leurs paroles, hein, et c'est une religion de traîtrise et de trahison. Ils vont pas avoir de respect par la suite pour les musulmans. Si eux, ils trahissent, c'est leur problème, parce que c'est des koufars de toute façon. On peut pas s'attendre des koufars de la justice de toute façon. Mais nous, de notre côté, on doit faire preuve de justice. Il y a une chose aussi, c'est que, c'est ça, comme nous, quand on vient chez eux, ça, Ibn Qudama al-Maqdisi en a parlé dans son livre Al-Mughni, depuis très longtemps, même à l'époque, il avait écrit un passage où il expliquait que lorsqu'un musulman rentre chez les koufars, il doit respecter ces choses-là. Il n'a pas le droit de transgresser à leur sujet. C'est important de mentionner ça surtout à notre époque, parce que Il y a des groupes parmi les Khawarij qui déclarent les gouvernements musulmans kuffar et qui ne reconnaissent pas leur autorité. Et quand ils rentrent chez les kuffar, ils disent « moi je ne reconnais pas l'autorité de mon dirigeant et je ne reconnais pas l'autorité non plus ici, donc cette entente de paix entre mon pays et leur pays, je ne le reconnais pas, donc je me permets de faire tout ce que je veux, de tuer, de voler, de faire des choses comme ça. » Et ça bien entendu c'est contraire à l'islam, c'est des gens qui sont des khawarij qui font des choses comme ça. Le chef il dit le quatrième point, يقول يجوز أن نكافئ أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا فعلوا جميلا مع المسلمين فالمسلمون يردون الجميل ويكافئونهم وليس هذا من باب المحبة وإنما هو من باب المكافأة. والوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به من غير أن يحبه. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فيجب على الولد أن يحسن إلى والده ولو كان كافرا ولكن لا يحبه بقلبه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. الشيخ explique qu'il est permis pour les musulmans de remettre aux kuffar le bien qu'ils nous font. C'est permis pour nous de remettre aux kuffar le bien qu'ils nous font et d'agir avec eux avec bonté, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 8 dans sourate Al-Mumtahana. Allah ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures, qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Et Allah aime certes les justes. Donc, pour les gens qui ne nous ont pas combattu à cause de notre religion et qui ne nous ont pas expulsé de nos demeures, on doit être envers eux bon et juste. Et Allah aime les justes. Et il dit ensuite, et s'ils font du bien envers nous, hein, et s'ils agissent bien avec les musulmans, eh bien nous en retour, on doit agir également d'une bonne façon envers eux et leur remettre le bien qu'ils ont fait. Et ça, c'est pas dans le sens que on les aime ou parce qu'on les aime, parce que ce sont des kuffars, mais c'est uniquement parce qu'ils ont agi bien avec nous et donc on agit bien avec eux par rapport à leur attitude. Et le cheikh il dit, même un kafir, donc même si par exemple un homme est musulman puis son père est kafir, il doit agir bien envers son père qui est kafir. Et ça ne veut pas dire, bon, il agit bien avec lui, mais toutefois il ne l'aime pas, parce que c'est un kafir. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, on a ordonné ou commandé à l'homme d'être bon envers ses parents. Et il mentionne la mère qui a porté cet enfant-là dans son ventre avec difficulté et qui l'a nourri pendant 2 ans, qui l'a allaité pendant 2 ans, et yani d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers ses parents, et qui Allah subhanahu wa ta'ala il l'appelle par la suite que c'est vers lui que sera le retour. Puis ensuite il dit, et si tes parents te poussent ou luttent pour que tu associes avec moi, c'est-à-dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose dont tu n'as aucune connaissance, alors ne les obéis pas. C'est-à-dire, si tes parents t'ordonnent de faire quelque chose qui est haram ou t'ordonnent de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu ne les obéis pas dans le péché et dans ce qui est haram. Mais, sahibhuma fit dunya ma'rufa, mais agis avec eux dans la dunya d'une bonne façon et sois un bon compagnon pour eux dans la dunya. Et suis la voie de celui qui s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le verset 14 et 15 dans Surat Luqman. Le cheikh dit, donc c'est obligatoire pour quelqu'un qui a un père qui n'est pas musulman d'être bon envers lui, mais sans l'aimer de son cœur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 22, dans Surat al-Mujadala, tu ne trouveras pas un peuple qui croit à Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'était leur fils ou leur, leur père ou leur fils. D'accord? Donc ça c'est à ce point de vue-là, d'accord? Il faut faire la distinction entre l'amour, puis le fait de, d'agir bien et d'être bien bon envers nos parents et envers les kuffars et les mouchriquins. Le cheikh dit « Falmawadda, falmawadda tu shay, wal mu'amalatu l'hasana shay'un akhar. Wa qad ja'at Asma bint Abi Bakr, wa hiya mushrika, tatlubu shay'an min al-mal. فجاءت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أمي جاءت وهي راغبة أي راغبة في الصلة أفأصلها فقال نعم صلي أمك فأمور الدنيا والمعاملة التجارية والمكافآت والتبادل بين المسلمين والكفار في المصالح التي لا تمس الدين وكذلك التمثيل الدبلوماسي في السفارات لا بأس به. Le cheikh il explique et il dit que l'amour c'est une chose et de bien agir avec le kuffar c'est quelque chose d'autre. Il faut distinguer entre les deux. Ok? Et le cheikh il dit que la mère de Asma, la fille d'Abu Bakr, la mère de Asma bint Abu Bakr est venue voir sa fille. Elle est venue voir Asma. Et elle n'était pas musulmane, c'était une idolâtre. Elle est venue demander à Asma de l'aide, un peu d'argent, quelque chose comme ça. Et Asma est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, ma mère, elle est venue me demander yani le droit qu'elle a par un lien de parenté pour que je l'aide. Et est-ce que je dois lui venir en aide et est-ce que je dois garder le lien de parenté avec elle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant « Oui, donne-lui de l'aide et garde les liens de parenté avec elle, même si c'est une mouchrika, même si c'est une idolâtre. » Et à ce sujet-là, il y a un hadith qui était… Il y a à ce sujet-là une histoire qui a été rapportée dans, par l'imam al-Bayhaqi, si je me trompe pas. C'est pas un hadith, mais c'est une histoire qui est arrivée à un sahabi et… c'est une belle histoire. Elle est mentionnée dans un autre livre que le Cheikh Fawzan a fait un dars sur un sujet de Al-Wala wal-Bara, et il a mentionné cette histoire-là à ce sujet-là. Et c'est une belle histoire. En fait, c'est que il y a un des Sahaba qui s'est converti à l'islam, et sa mère était mushrika. Alors, la mère de ce Sahabi, elle a dit à son fils, soit que tu quittes l'islam, ou bien sinon je cesse de manger et je cesse de boire. Je veux plus manger, je veux plus boire, jusqu'à ce que je meure. Et quand je vais mourir, les gens vont dire, voici l'homme qui a tué sa mère. Hein, qui a tué sa mère. À cause du fait qu'il a pas quitté l'islam jusqu'à ce qu'elle meure. Il a voulu rester musulman et il a causé la mort de sa mère à cause de ça. Et donc, le sahabi, il est parti et effectivement sa mère a cessé de manger. Et le sahabi revenait toujours voir sa mère et après 3 jours, il a vu que sa mère n'avait toujours pas mangé ni bu. Alors il a dit à sa mère, oh ma mère, il a dit, mange et bois, parce que, il a dit, même si tu avais 100 vies, et que tu les perdais une après l'autre, je ne quitterai jamais l'islam. Alors, quand il dit, demande-moi ce que tu veux de mes biens, de mon argent, de n'importe quoi je te donne, mais je quitterai jamais ma religion. Et par la suite, elle a commencé à boire, puis elle s'est convertie, à manger et à boire, puis elle s'est convertie à l'islam par la suite. Mais c'est pour montrer que dans les affaires de la dunya, l'obéissance aux parents qui ne sont pas musulmans, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des affaires de la religion et que ça a rapport avec la religion, il ne doit pas y avoir de compromis à faire avec les koufars dans ce sujet-là, même si tes parents te demandent de désobéir à Allah ou de quitter l'islam ou de faire quelque chose qui est péché ou haram, tu n'as pas à les obéir dans ces choses-là. Et le sahabe, il a dit, même si tu avais une centaine de vies et que tu les perdais toutes une après l'autre, je ne quitterai jamais l'islam. Donc c'est pour montrer la fermeté des sahaba par rapport à la foi en l'islam et en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, donc dans les affaires de la dunya, dans l'attitude, dans le commerce, dans les échanges entre les musulmans et les koufars, dans les choses qui n'ont pas aucun rapport avec la aqidah et la foi et la religion, ça il n'y a pas de problème. On a le droit d'avoir des rapports et des relations avec les koufars de cette façon-là. Comme par exemple les représentants diplomatiques, les ambassadeurs, les ambassades qui sont dans les pays musulmans ou les ambassades des pays musulmans qui sont dans les pays des koufars, tout ça c'est permis. Même le cheikh il dit كان المشركون يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرسل ويتفاضلون معه ويدخلون عليه وهو في المسجد ويتفاوضون معه فهذه أمور ليست من الموالاة وإنما هي من المصالح المباحة بين المسلمين والكفار فيجب أن نفرق بين هذا وهذا وبعض الناس يخلط بين ما يجوز وما لا يجوز فمنهم من يقول تجوز مودة الكفار لأن الله أباح لنا التعامل معهم والتزوج من الكتابيات والتزوج من الكتابيات فتجوز محبتهم وعدم التفرقة بيننا وبينهم وهذا مفرط وفي مقابلة المفرط الغالي الذي يقول لا يجوز الاتصال بالكفار أصلا ولا بتجارة ولا بسفارة ولا بمكافأة ولا بإحسان لأن هذا من الموالاة فنقول له هذا ليس من الموالاة فيجب الفرق بين هذا وهذا وبين الغالي والجافي فالدين وسط وليس فيه غلو ولا تفريط. Le cheikh il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il recevait parfois des délégations des mushrikins qui venaient le rencontrer et il avait des échanges avec eux et des discussions avec eux et des ententes avec eux ça c'est permis dans ces affaires-là, et ça n'a pas rapport, ça n'a rien à voir avec le fait de les prendre pour alliés, de les prendre comme awliya, et comme ça fait pas partie de al-muwala. Il venait dans sa mosquée et il discutait avec lui, faisait des accords avec lui. Donc ça fait partie de ce qui a rapport avec les ententes et des choses qui sont permises entre les musulmans et les kuffars. Donc le cheikh il dit, il faut donc distinguer, parce que il y a des musulmans aujourd'hui, ils ne font pas aucune distinction entre ça et ça. Ils mettent tout dans le même paquet. Il y en a qui, par exemple, ne distinguent pas entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Donc il y en a parmi eux qui disent, on a le droit d'aimer les koufars parce que Allah nous a permis de faire des interactions avec eux et de marier les femmes chrétiennes, donc c'est permis de les aimer, et on n'a pas le droit de distinguer entre nous, eux et nous. Ça c'est des gens qui ont exagéré dans deux points de vue, ils sont dans un extrême. Okay. Et il y a de l'autre côté, ceux qui ont dit, il n'est pas permis du tout d'avoir aucune relation et aucun contact, ni commerce, ni ambassade, ni rien entre eux et nous, ni d'agir avec eux avec bonté, dans aucun cas, parce que eux, ils ont tout mis ça dans al-mu'alat. Et ça, c'est l'autre extrême. Donc, nous, on est entre les deux, entre ces deux extrêmes-là. Donc, on dit, c'est vrai qu'Allah nous a permis d'avoir des interactions et de faire du commerce avec les kuffar et les mushrikin et d'épouser les femmes des gens du livre. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les aimer. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'on doit détester les koufars et ne pas les aimer parce qu'ils sont des koufars et des mushrikins. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir aucune relation avec eux, ni dans le commerce ou dans les ambassades, ou d'agir bien avec eux. Donc, il faut savoir faire la distinction entre ça et ça. Hein? Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a ceux qui ont exagéré d'un point de vue et ceux qui ont exagéré de l'autre. Ceux qui ont exagéré dans un côté, qui ont dit qu'il faut les aimer et tout, souvent on les retrouve chez les soufis, hein, et chez ces catégories-là de musulmans qui disent qu'il faut aimer tout le monde, puis on n'a pas le droit de distinguer entre le musulman et le kafir. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont les khawarij qui sont à l'autre extrême à ce sujet-là. D'accord? Donc ça c'est important de faire attention. Puis le cheikh il dit donc que oui c'est ça, il faut être au juste milieu. فيجب أن نعرف هذه العلاقات مع الكفار ما يجوز منها وما لا يجوز خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه من يتكلم في أمور الدين بغير علم أو يتكلم في الدين وعن هوى فيجب على طالب العلم أن يعرف الحكم الشرعي في هذه الأمور وهذا أمر مهم لأنه يتعلق بعقيدة المسلم. Il dit qu'il faut connaître ces choses-là qui ont rapport avec les relations entre les kuffars et les musulmans, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis, en particulier à notre époque, parce qu'à notre époque, il y a toutes sortes de monde qui se permettent de parler de religion et qui n'ont pas de science et qui parlent de la religion en se basant sur leur passion, et donc c'est important pour la personne qui recherche la science islamique et qui étudie l'islam de connaître les verdicts de la charia au sujet de ces choses-là. Et c'est une chose très très importante parce que ça se rattache à la croyance du musulman. Ça a un rapport avec la croyance du musulman. Et ensuite, le chef, il y a des questions qui ont été posées à la fin de ce chapitre, ou à la fin de ce point. Donc on va peut-être en lire une ou deux à ce sujet-là. Peut-être même, on va en lire juste une. C'est une question qui a été posée, c'est سؤال يوجد في القنوات الفضائية من يقول إن اليهود والنصارى إخواننا في الإيمان فما حكم هؤلاء هل يكفرون الجواب من قال إن اليهود والنصارى إخواننا فإنهم يكفرون أو يكفرون بذلك إلا إذا كان القائل جاهلا فإنه يبين له فإن أصر فإنه يحكم بكفره أما إذا تاب تاب الله عليه. La question qu'on a posée au cheikh, c'est, il dit que dans les chaînes satellites, hein, les chaînes satellites, maintenant il y a des chaînes comme ça des pays, de tous les pays arabes et tout, et des fois il y a des programmes religieux. Et dans ces programmes religieux-là, des fois, il y a des gens qui donnent des fatawas, puis qui parlent de la religion et de l'islam, et on leur pose des questions, puis ils répondent. Et dans la question ici, c'est qu'il y en a qui, dans ces chaînes-là, qui disent que les juifs et les chrétiens sont nos frères dans la foi. Alors le cheikh, on lui pose la question, qu'est-ce que l'islam dit, ou c'est quoi le verdict au sujet des gens qui disent ces choses-là, qui disent que les juifs et les chrétiens sont nos frères? Est-ce qu'on doit dire que ces gens-là sont des koufars? Ceux qui disent des choses pareilles, est-ce qu'ils sont koufars? Et le chef a répondu et il a dit, celui qui dit que les juifs et les chrétiens sont nos frères, ils sont des koufars. On doit les déclarer koufars à cause de ça. Il dit, excepté si la personne qui dit ça est ignorante. Si c'est une personne ignorante, alors dans ce cas-là, on doit lui clarifier, la situation et lui montrer les preuves. Et s'il persiste à dire qu'ils sont nos frères, malgré qu'il a vu les preuves au sujet de leur mécréance, alors là, après ça, on doit déclarer que cette personne est mécréante. Et si, toutefois, s'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah acceptera sa repentance par la suite, d'accord? Et il y a des gens, comme on l'avait expliqué au début, qui sont des du'as qui prétendent appeler à l'islam, puis qui défendent ces idées-là, qui disent que les juifs et les chrétiens sont des frères. Et ça c'est, comme on l'a dit, c'est une croyance de kufr. Et c'est en opposition contraire à l'islam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Innama al-mu'minuna ikhwa » seulement les croyants qui sont des frères. D'accord? C'est pas les kuffars qui sont nos frères. Donc à ce sujet-là, on en a parlé, donc je pense que c'est suffisant qu'est-ce qu'on a mentionné. on va commencer à parler du quatrième point parmi les points de ce qui annule l'islam d'une personne. C'est الدرس الخامس في شرح الناقد الرابع قال الرابع من اعتقد أن هدي غير رسول الله أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الشيخ يكسليك يزي كم السنكيام كور dans le livre, c'est au sujet du quatrième naqid, le quatrième point parmi les 10 points qui annulent l'islam d'une personne. Et le sujet de ce point-là, c'est celui qui croit qu'il y a une guidance autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est meilleure que sa guidance. C'est-à-dire qu'il y a une guidance meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou qui croit que le jugement d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le sien. Il croit qu'il y a un jugement meilleur que le sien, sallallahu alayhi wa sallam. Ou il préfère le jugement des tawarit, c'est-à-dire du tawarut, au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces gens-là qui rentrent dans ces descriptions-là, à propos de ces gens-là, c'est qu'ils sont kuffars. Okay, c'est pas des musulmans ceux qui croient de cette façon. Ok, donc on va expliquer ce point-là. Le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, قال رحمه الله الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه هذا يشتمل على مسألتين. Le point qu'on a mentionné maintenant, le fait que quelqu'un croit que la guidance d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que la sienne, ou que le jugement d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le sien, celui qui donc ce point-là, il dit ça comprend deux questions. Il y a deux questions à ce sujet-là. المسألة الأولى من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم دينه وطريقته التي يسير عليها في دعوته إلى الله وفي تعليمه وفي أخلاقه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس هديا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الناس هديا من حيث معاملته مع الناس ومع المدعوين فكان هديه مع الناس أنه يعاملهم بأحسن المعاملة ويدعوهم بأحسن طريقة كما قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. الشيخ يزي que la première question à ce sujet-là, c'est que la guidance, que celui qui croit que la guidance d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que sa guidance, et le cheikh explique que quand on parle de guidance ici, de al-hadi, on parle de quoi? On parle de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de son adoration et de sa voix, la façon dont il agissait et comment il se comportait, hein, dans sa façon d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa façon d'enseigner aux gens et dans son comportement et son caractère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait le plus parfait et le plus complet des bons comportements et la plus complète parmi les guidances. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que la meilleure parole est la parole d'Allah et que la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est rapporté par l'imam muslim selon Jabir ibn Abdillah. Donc le cheikh il dit que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avait la plus parfaite des guidances. Et sur le plan qu'il avait la meilleure façon de se comporter avec les gens et avec les personnes qu'il appelait à l'islam. Et sa façon d'agir envers les gens était la meilleure façon. Hein. et il les appelait de la meilleure manière à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 4 dans sourate Al-Qalam, « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » Tu es certes, hein, tu as certes un des plus nobles ou des plus grands caractères ou comportements. Et il dit dans le verset 159 dans sourate Al-Imran, si ce n'était pas d'une miséricorde venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, du fait qu'il agissait avec les sahaba avec douceur et avec compassion, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si tu avais eu le cœur dur, eh bien, il se serait sûrement écarté de toi. Hein. Et donc, il dit par la suite, alors, fais preuve d'indulgence envers eux et demande pour eux pardon et consulte-les dans leurs affaires. Donc, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas dur de cœur envers les gens. Il avait envers eux de la miséricorde. Et ça fait partie de son comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit, وَكَانَ يَعْلَمْ أَنْ كَانَ بأحسن الطريقة وما كان عليه صلى الله عليه وسلم يستعمل الغلظة الذي فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم وكان يعلم الناس أو يعامل الناس بأحسن طريقة تذكسي يمانك لاتر يمانك ألف لبخم والله أعلم. Il dit, il agissait envers, avec les gens, avec de la meilleure façon. Ma kana alayhi salatu wa salam yasta'milu al-ghilza wal-ghadab fi al-ta'lim, kama fi qissat al-ladhi dakhala, fi qissat al-ladhi dakhala wa bala fi al-masjid, fa'amarahum an yatrukuhu, hatta yakmilu bawlah, thumma amara bi dhunubi بذنوب للماء فصب عليه ثم دعاه وقال له إن المساجد لم تبنى لهذا أو لم تبنى لذلك وإنما بنيت لذكر الله عز وجل وغير ذلك من الوقائع التي يتعامل فيها صلى الله عليه وسلم في تعليمه للناس بأحسن طريقة وأكمل هدي. الشيخ الذكر للبروفيس صلى الله عليه وسلم, il n'utilisait pas la dureté et la colère dans sa façon d'enseigner. Comme on retrouve cet exemple-là dans l'histoire où il y a un bédouin qui est rentré dans la mosquée, qui a uriné dans la mosquée. Et les sahaba, eux, se sont mis en colère, ils voulaient, réagir de façon violente envers lui. Toutefois, le prophète a ordonné les sahaba de le laisser compléter, hein, de laisser terminer qu'est-ce qu'il faisait, puis il a ordonné de venir avec un seau d'eau et de verser l'eau sur l'endroit où la personne avait uriné. Puis il a appelé cet homme et il lui a dit, les mosquées n'ont pas été construites pour ce genre de choses. Hein. Elles ont uniquement été construites pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour uriner dedans. Et donc, ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples dans lequel on retrouve l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il agissait envers les gens et comment il enseignait aux gens l'islam de la meilleure façon et que sa guidance était celle qui était la plus complète. Ensuite il dit, وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا كَانَ يَتَحَمَّلُ مِنْ أَذَى النَّاسِ وَلَا يَغْضَبْ إِذَا أُسِئَ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يَحْلِمُ عَلَى الْمُسِيءِ أما إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب لله فإنه كان يغضب لا ما كان يغضب لنفسه وإنما كان يغضب لله وهذا شيء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في سنته. Le cheikh il explique un point important ici. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il endurait beaucoup de comportements mauvais de la part des gens. Des gens parfois venaient vers lui et ils agissaient dur et ils agissaient mal envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ne se mettaient pas en colère à cause du comportement dur que les gens avaient envers lui. Et on a vu qu'il avait beaucoup de compassion envers les gens sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, quand on dépassait les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on transgressait dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, là dans ce cas-là, oui, il se mettait en colère. Mais il ne se mettait pas en colère pour lui-même, il se met en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les gens ont transgressé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont fait quelque chose que Allah déteste. Donc il se met en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour lui-même. De nos jours, c'est ce qu'on retrouve parfois chez les frères, Allah musta'an, ils se mettent en colère pour eux-mêmes. Si quelqu'un leur fait du mal ou quelqu'un les insulte, ils se mettent en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se mettait pas en colère pour lui-même. Il se mettait en colère si quelqu'un faisait du tort à l'islam, ou faisait du mal envers l'islam, ou faisait quelque chose qui transgresse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, là il se mettait en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas pour lui-même, pour sa personne, ou des choses de ce genre. Et ça, c'est la différence entre le fait de se mettre en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de détester pour soi-même et de se mettre en colère pour soi-même. Le chef lui dit ensuite, وكذلك لما جاءه رجل يتقاضاه دينا فأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في القول فهم الصحابة به فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعطى خيرا مما له على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه زيادة وقال خيركم أحسنكم قضاء. نعم. donc le chef il a donné l'exemple يعني qu'à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il y a un homme qui est venu le voir et qui a demandé de juger entre lui à son sujet. Cet homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger à son sujet, au sujet d'une dette qu'il avait chez quelqu'un. Et probablement qu'il avait un conflit avec quelqu'un par rapport à une somme d'argent que la personne lui devait. Et la personne a répondu de façon dure au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon dont il lui a parlé, et les sahaba ont pas aimé la façon dont la personne a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas aimé ça, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez-le, parce que il a le droit de parole, et il a ordonné par la suite qu'on donne à cette personne-là plus que qu'est-ce qu'il avait vraiment exigé ou demandé, et on lui a donné plus. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui juge d'une meilleure façon. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira. Ensuite il dit, وَكَذَلِكَ هَدْيُهُ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ فِي تَعَامُلِهِ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَتَعَامَلُ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ خَيْرَ الْمُعَامَلَةِ ويقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وهذا شيء معروف من سيرته فلا أحد يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه فكيف يكون خيرا منه فمن زعم أن أحدا أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم هديا فقد كفر الكفر الأكبر المخرج من الملة لشيخ زي كل البروفيسور صلى الله عليه وسلم était également dans sa façon d'agir envers sa famille et sa maison, il avait le meilleur comportement envers sa famille. Et il agissait avec la meilleure attitude et le meilleur comportement. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui agit de la meilleure façon envers sa famille, envers ses femmes, envers ses enfants, envers ses proches. Et il dit, et moi je suis le meilleur envers ma famille. Et ça c'est rapporté par Ahmed selon Abi Huraira et At-Tirmidhi et selon Aïcha, et l'imam al-Sheikh al-Albani il l'a authentifié ce hadith. Et il dit ensuite, et ça c'est quelque chose qui est connu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa biographie, par rapport à sa vie. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le bon comportement envers sa famille de cette façon. Et le cheikh il dit donc, comment quelqu'un pourrait donc être meilleur que lui dans sa façon d'être et dans son comportement. Quiconque croit qu'il est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son attitude, dans son comportement, et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est kafir et que sa mécréance est une forme de mécréance majeure qui le fait sortir des limites de l'islam. Ensuite, le cheikh il dit « Al-mas'alatu thaniya » من يعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فقد كفر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فحكمه عليه الصلاة والسلام حكم صادر من الله عز وجل فكما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بحكم الله وبما أراه الله ولم يقل له بما رأيت بل قال بما أراك الله فيجب تقبل حكمه فيجب تقبل حكمه بالتسليم والانقياد كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Le cheikh il explique ici la deuxième question au sujet de ce point, c'est que quiconque croit que le jugement, donc que le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que son jugement, alors il est mécréant. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est celui qui transmet le message d'Allah. Hein? Le messager d'Allah est celui qui transmet le message d'Allah et donc il ne parle pas de lui-même, c'est quelqu'un qui transmet seulement. Hein? Et donc le verdict du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient en réalité d'Allah. Le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est en réalité le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il mentionne des versets à ce sujet-là, le verset 105 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Nous avons fait descendre sur toi le livre en vérité pour que tu juges entre les hommes selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait voir. » Et donc ça c'est la signification de ce verset-là. Je vais juste vérifier pour être certain que la traduction est bien. Selon que ce que Allah t'a fait voir ou bien selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a appris. Et le cheikh il donne un commentaire à ce sujet-là et il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici dans ce verset-là, il n'a pas dit selon ce que tu as vu toi ou selon ce que tu parles de toi-même, mais non, selon ce que Allah t'a fait voir, hein, selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait comprendre. Selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de connaissance. Donc, il est obligatoire pour quelqu'un d'accepter le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre, hein, de se soumettre à ce verdict et à ce jugement-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 65, dans Sourate An-Nisa, hein, il dit, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pris comme juge. Hein, dans tous les désaccords ou toutes les affaires qu'ils ont comme désaccords entre eux, et qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucun inconfort ou aucune aversion ou bien aucune difficulté par rapport à ce que tu leur as donné comme jugement ou comme décision, et qu'ils s'y soumettent en pleine soumission. Donc ça c'est la condition pour que quelqu'un soit un croyant. La condition pour que quelqu'un soit un croyant, un vrai croyant, c'est que lorsque il entend le verdict du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de quelque chose, hein, il se soumet au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit فَهُوَ يَقْضِي بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ولو أخطأ في الاجتهادات فإن الله لا يقره على الخطأ بل يبين له الصواب ولا يجوز الاعتراض على حكمه قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فسنته صلى الله عليه وسلم وحي من الله والسنة تفسر القرآن وهي الوحي المصدر والمصدر الثاني بعد القرآن فيجب احترامها كاحترام القرآن ويجب قبولها كقبول القرآن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم Donc, le chef ici, il explique que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jugement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef, il dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il a fait certains efforts pour arriver à la vérité par son jugement, et parfois, s'il s'est trompé parfois, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui permet pas de demeurer sur l'erreur. Il le corrige. Et il lui montre la bonne voie et la bonne position, et il n'est pas permis par la suite de s'opposer au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et il dit, le cheikh il mentionne le verset 36 dans surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, ont décrété quelque chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Hein? Donc une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, on n'a plus de choix de dire oui je vais le faire ou oui, oui je ne vais pas le faire, ça y est, c'est décidé et donc on est obligé de se soumettre. Et Allah il a commencé ce verset là en disant « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ » Ça veut dire il faut que tu sois un mu'min ou une mu'mina, ça veut dire un croyant ou une croyante. Et un croyant, une croyante c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la foi en Allah et en son messager et en tout ce qui implique la foi. Donc une fois que tu te dis moi je suis mu'min, ou une femme dit je suis mu'mina, et qu'elle reçoit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a plus le choix d'agir dans sa façon d'agir, et elle doit se soumettre. D'accord? Et si elle désobéit, et qu'elle reconnaît l'ordre, elle est toujours une croyante, toutefois sa foi est faible. Hein? Ça c'est important de comprendre. Mais le vrai croyant lui, il va pas attendre, il va pas repousser l'ordre, ou il va pas dire par exemple « Ah non, je vais pas le faire », ou il va pas attendre ou désobéir, il va le faire tout de suite, il va se soumettre tout de suite. Celui qui a la foi faible, il va dire « Oui, c'est vrai, je reconnais que Allah a ordonné ça et son messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ça, mais je suis pas capable ou je vais pas le faire, je suis pas capable de le faire tout de suite, je demande à Allah de m'aider et il va faire tawba et il va commencer à le faire le plus vite possible. » Toutefois, la personne qui rejette complètement l'ordre et le jugement et qui dit je fais ce que je veux, elle n'est pas un mu'min. Hein? Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et cessez de le faire. Hein? Et craignez Allah, et Allah est certes dur en châtiment. C'est le verset 7 dans Surat al-Hashr. Et il mentionne un autre verset dans Surat al-Najm, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala clarifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, il ne parle pas selon sa passion. Hein? C'est uniquement une révélation qui lui est révélée. Donc il ne parle pas de lui-même et de ses passions, mais il parle de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Donc la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est considéré dans l'islam comme une révélation, de la même catégorie que le Coran. Hein? C'est une révélation comme le Coran. C'est pas comme certaines personnes s'imaginent, la révélation c'est uniquement le Coran, puis la Sunna c'est autre chose. Non, la révélation c'est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les deux vont ensemble. Et ça c'est parmi les fondements d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah. D'accord? Et ensuite, le cheikh il dit que la sunna c'est ce qui explique le Coran aussi. Le Coran est comme une interprétation, une clarification du Coran, et c'est considéré comme la deuxième source de législation dans l'islam. Et le cheikh il dit que il est obligatoire pour le musulman de respecter la sunna comme il respecte le Coran. Ensuite, il dit, voyez, il est obligatoire de l'accepter comme on accepte le Coran. Donc la sunna, du moment qu'elle est authentique, c'est obligatoire pour le musulman de l'accepter comme on doit accepter le Coran. Ensuite, le cheikh dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Cheikh mentionne le verset 1 dans Sourate Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô les croyants, ô vous qui avez cru, ne précédez pas Allah et son messager, ou ne vous placez pas devant Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est certes audient et omniscient. Il entend tout et il sait tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ne vous mettez pas devant Allah et son messager. Ça veut dire, placez pas rien de ce que vous avez comme opinion, ou comme idée, ou comme position personnelle devant la parole d'Allah et devant la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit, فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَلَقَّ الْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam ولا يحكم في شيء برأيه المجرد عن الدليل أو استحسانه بل يتلقى الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يقدم قول فلان على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فقد قدم بين يدي الله ورسوله ولا يجوز له أن يعمل عقله وفكره أن يعمل فكره عقله وفكره أو أن يقبل رأي غيره مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب اعتقاد أن حكم الله ورسوله هو الحق والصواب وأن ما خالفهما هو الباطل وهذه عقيدة يعتقدها وهذه عقيدة يعتقدها المسلم فمن اعتقد أن حكم المخلوق أحسن من حكم الله عز وجل وأن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فقد كفر وهذا من نواقض الإسلام. Le cheikh explique, il dit à propos du verset qu'on a lu, de pas précéder Allah et son messager dans une décision quelconque. Le cheikh, il dit que c'est obligatoire donc de prendre les règles de l'islam ou les règles qu'on suit dans notre vie du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas juger dans quoi que ce soit selon notre opinion personnelle sans se référer à une preuve ou bien de juger selon notre raison ou selon ce qu'on considère nous-mêmes comme étant bon hein, sans se référer aux règles du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas permis non plus de mettre au devant de la parole d'Allah et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole de quiconque, hein. Que ce soit la parole d'un savant, ou la parole d'un imam, ou la parole d'un être humain autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de prendre sa position lorsque sa position est en contradiction avec la parole d'Allah et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe qui il est. Et le cheikh dit ensuite, et de même qu'il n'est pas permis de placer notre raison au devant de la révélation, et de juger la révélation en se basant sur notre raison, lorsque notre raison est en contradiction avec la révélation dans le Coran et dans la Sunna. Parce qu'il y a des musulmans qui font ça. Parmi les jeunes bid'a, il y a les Mu'tazila qui ont innové ou qui ont inventé cette voie. Ils ont dit, ce qu'on a compris avec notre raison, on le prend et on l'utilise comme un juge pour juger la révélation. Si dans le Coran ou dans la Sunna on trouve quelque chose qui contredit ce qu'on comprend nous, on le rejette ou on le déforme pour que ce soit en accord avec ce qu'on pense. Et ça, c'est la voie des jeunes bid'a parmi les Mu'tazila. Et ceux qui les ont suivis dans leur égarement, et actuellement il y a une tendance parmi certains modernistes, hein, surtout dans certains, comme en Occident, ils sont très nombreux, et dans les pays musulmans également, vous en trouvez des gens comme ça, qui se basent sur leur raison, soi-disant, et qui mettent ça de l'avant, par-dessus le Coran et par-dessus la Sunna, et ils appellent à l'égarement. Et donc, il faut faire attention à ces catégories de gens-là. Hein. Ils disent qu'il faut comprendre le texte par rapport au contexte, c'est-à-dire il faut, disons, plier le texte pour qu'il soit en accord avec ce que la société des kuffars nous demande. Hein. Même si, si on trouve des choses dans la société qui sont contraires à l'islam, ben il faut changer, il faut pas changer, on peut pas changer les textes, on peut pas changer le Coran, on peut pas changer la Sunna, mais déformer la compréhension pour que ce soit en accord avec ce qu'ils aiment. Donc c'est ça ce qu'ils veulent dire eux. Donc il faut faire attention à ces gens-là. Donc le cheikh dit, il est obligatoire de croire que le jugement d'Allah et de son messager, c'est la vérité, et c'est ça ce qui est correct, et c'est ça ce qu'on doit suivre, et que tout ce qui s'oppose à Allah et à son messager, eh ben c'est le mensonge, et que c'est l'erreur, et que c'est faux. Et ça c'est une aqidah que le musulman doit avoir dans son cœur, et quiconque croit que le jugement d'une créature est meilleur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que le jugement d'autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est mécréant. Et il dit que ça, ça fait partie des nawaqid, des choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Donc, on s'arrête ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et demain, on va traiter, Inch'Allah, de la question qui a rapport avec le jugement par autre que la loi d'Allah. C'est une question qui revient souvent. Et le chef, il en parle en détail. Et c'est quelque chose de très bénéfique. Inch'Allah, donc on va clarifier plusieurs choubouhats et plusieurs points à ce sujet-là, bismillah, demain. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.